Yo, ma vie commence plutôt mal, faut dire que je l'aide pas. Toujours là à boire et fumer comme un trou, ça arrête pas. Rien d'autre à faire, distraction première du troisième millénaire, c'est polluer la terre pour faire la guerre. C'est avec les partenaires, combien d'entre eux vivront vieux peu. Au fond, c'est peut-être mieux que de vivre malheureux. L'heure est grave, la terre s'éclipse sous l'apocalypse. Seule solution possible, trouver les gras les plus calmes. La vie s'écrit pas au crayon de plomb, c'est pas un brouillon, ça s'efface pas, ça reste pas de place pour les couillons. On dépense des millions pour aller sur Pluton plutôt qu'investir sur ma planète où l'on meurt par millions. C'est le déluge, sans refuge, Noé s'est noyé, soyez prêt à rencontrer celui en qui vous croyez. Voyez, on s'est tous fait fourvoyer, terminer le cerveau broyé, sans noyer ni foyer. Joyeux, n'est-ce pas? C'est nous qui sera là quand ça pètera. Pas de 4, 5, c'est sur nos dés, y'a que des 1, 2, 3. On perdra tous la guerre, jamais 203. La prochaine sera la troisième prise, au moins elle en soit, elle frappe ça. Les gens droits ça prennent en pleine gueule, destiné à finir seul, le moins fait pas ce qu'ils veulent. On bat le trip, comme Bill Fox, sa secrétaire, mais quand ils tirent des missiles, pour l'opinion publique, on espère ce monde à l'envers. Pour les grands-pères de pilules, gaz et judiciaire, pour mes partenaires en cellule. Les mêmes qui préfèrent dealer l'herbe à être bénéficiaires d'aide sociale, font rouler leurs sales affaires. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on se rend encore. Yeah, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on se rend encore. Ooh, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. I didn't do this for fun. Man, I had 3 hours sleep and flew here just to make you feel what I see. But hopefully I get to go back home just to clear the mental, cook some food, balance the zone, and stretch my territory for the east. Closer to the ways I was raised so naturally, I open my raps to a new crowd. Or is it just a way for me to get paid from a newfound? Nah, don't wait for the video. Let your mental marinate with thoughts of how I bust it in the studio. That bro, imageless, individual with the flow, bringing this axis for your spherical. So come on, let me prophesy. We gon' build this bridge for hip-hop to the east side, south side abroad. We long jump across the land with the bigger hands, smack the crowd, let the flag stand. Yeah, Jamo and this fit coming through, pardon. The beat thunk, team of funk, you heard you come on. That's that, c'est ça fini, we are beaucoup fumé. Now we don't play, level la main, nous sommes ici, restez. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on sera encore. Yeah, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on sera encore. Ooh, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. Nous fasse le GMO, misfit. Retour au labo, qui mon collabo sur le SP, branche le MIC. L'atmosphère se réchauffe comme la planète. Effet de serre dans la foule compacte depuis Québec. J'injecte sur les ondes mon dialecte incorrect. Éjecte de ton intellect l'architecte. Sors de son vortex, l'apocalypse genre. From QC to BC. Et props à tout le reste. Ha, that's the way we move out. Join us on the route. Spitting it from the mouth. Let you know what we're about. Turn the party out. We're conscious rhyme till they scream and shout. That's my stilo. My Steve. And the way I earn my clout. Je veux vous réagissez. Do what we say. C'est bon. Pour la tête. Make you feel this way. As it is, we gon' keep it up. But no delay, so whenever the beat stops, just rewind and play. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on sera encore. Yeah, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. Ton futur, c'est mon présent, présent. Comprends quand tu t'absenteras, on sera encore. Ooh, hot off the press, we headline with the best. Current affair, we talk about the future in the present. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. From the past to the present and the future. Future.